Alors, vous avez sans peine reconnu Supertramp avec Give a Little Bit, extrait de cette boîte à tubes qu'est l'album Even the Quietest Moment, sorti en 1977. Il y avait ensuite U2 et le non moins célèbre I Still Found What I'm Looking For, extrait d'un autre monument du rock, l'album The Joshua Tree, sorti 10 ans plus tard en 1987. Et pour finir, nous avons à achever cette petite séquence anniversaire avec les Smiths and there is a light never goes out. J'espère que vous avez toujours la flamme et la passion en vous et que la lumière ne s'éteindra jamais. Living in the Past, l'album du jour. Alors aujourd'hui, pour l'album du jour, j'ai choisi de vous parler d'un groupe discret et qui pourtant correspond pleinement à l'appellation supergroupe. Alors qu'est-ce que c'est qu'un supergroupe ? Un supergroupe, ce sont ces associations de musiciens déjà célèbres par ailleurs et qui sont souvent éphémères et a priori récréatives dans la carrière de leurs membres. Ce phénomène foisonnait dans les années 60-70. Pourtant, ici, il s'agit d'un groupe relativement actuel. L'album proposé est le deuxième album de Tired Pony, paru en 2013 et intitulé The Ghost of the Mountain. Tired Pony, c'est donc un supergroupe formé de Gary Lightbody, le chanteur de Snow Patrol, de Peter Buck, ex-guitariste de REM, de Richard Colburn, batteur du groupe écossais Belle Sébastien, et aussi du DJ irlandais Jackknife Lee, reconverti depuis quelques années dans la production, notamment pour des groupes célèbres comme U2, REM, Snow Patrol ou encore Weezer. On retrouve également trois autres musiciens moins connus, dont Ian Archer, qui a fait partie de Reindeer Section, un autre supergroupe, mais qui a produit le célèbre Jack Buck. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter All Think All At Once, une jolie ballade un peu folk. Et d'ailleurs, l'album est à l'image de cette chanson, plutôt dans la retenue, assez intimiste et romantique. La plupart des chansons sont des chansons d'amour, teintées de folk, avec quelques explorations sonores subtiles et un peu vintage, qui évoque à la fois le rock expérimental des années 70 et des mélodies discrètement influencées par la New Wave. Nous poursuivrons ensuite avec The Creek in the Floorboard, de quoi peut-être vous donner envie de découvrir ce groupe. Better than him. Oh, I for flying. These wings are just for show. It's years since I've been flying. I'm down to the earth. Oh, I will love you better than him. Oh, I will love you better than him. Oh, I will love you better than him. Oh, I will love you better than him. Days we were kings. Phone rings out to no one, 'cause we finally left the house. We threw our whole lives in the old car and beat the highway piece by piece. Here I am, I'm a right mess. Here you are, in the right dress. Here we are, it's the last dance. Here we are, in the distance. Seek the same road that we always take, but this time we're not coming back. There's a thousand miles ahead of us. Now

toi le punk anarchiste. Salut à toi skin communiste. Salut à toi le Liberia. Salut à toi le Sri Lanka. Salut à toi le Sandiniste. Salut à toi le Néjambiste. Salut le mouvement des jeunes arabes. Salut à toi Guatemala. Salut le PK du contingent. Salut à toi le Chotopan. Salut à toi Pop Canac. Salut à toi Tchécoslovaque. Salut à tous les petits dragons. Salut à toi qui est que bon. Salut à toi jeune malgache. Salut à toi le Pop de Bac. Salut à toi qui est au violon. Salut à toi les morts au pont. Salut à toi le Yougoslave. Salut à toi le voyou slave. Salut à toi le Salvador. Salut à toi le Molodoy. Salut à toi le Chinois. Salut à toi le Zaïrois. Salut à toi l'Espagnol. Salut à toi le Ravachol. Salut à toi le Hongrois. Salut à toi l'Iroquois. Salut aussi à tous les Gosses. Des îles maudites jusqu'à l'Écosse. Salut à Boudou les Azous. Salut à la jeune garde rouge. Salut à toi le peuple corse. Salut aux filles du Crésor. Salut à toi la Vache-Chérie. Salut à Lorraine et Arcy. Salut à toi peuple nomade. Salut à tous les Jamawans. Salut à toutes les Vertigones. Salut aussi à Hugh Reiner. Salut à toi l'handicapé. Salut jeunesse du monde entier. Alors après Damien Saez et Pilule, vous avez reconnu Luc avec son titre Indigné, extrait de l'album de 2015 Pornographie. Et pour terminer cette séquence, Berrurier Noir avec Salut à toi. Alors si bien entendu, on a toujours su que Damien Saez était non seulement mu par un sentiment profond de rébellion vis-à-vis de la société occidentale, seuls quelques titres l'affirmaient clairement jusqu'à cet album J'accuse sorti en 2010 dont est extrait ce titre Pilule que nous venons d'écouter. Alors dans cet album, le chanteur se concentre sur son message de révolte et fait donc passer au second plan les circonvolutions de ses états d'âme romantiques pour privilégier le gros rock engagé. J'accuse se distingue donc des albums précédents par des thématiques plus orientées sur la dénonciation politique et sociétale. Nous avons ensuite écouté Luc et Indigné, un extrait de ce superbe album Pornographie sorti en 2015, dans lequel il dénonce les hautes sphères, les pourris, les dirigeants, les dealers, les aliénés, la société tirée vers le bas, la télévision, la consommation à outrance et tout ce qu'il peut y avoir de révoltant en ce monde, notamment la montée du nationalisme surtout. Et pour achever la séquence, nous avions un autre groupe engagé, Berrurier Noir, avec le titre « Salutatoire », un titre socialement engagé, extrait d'un IP sorti en 1985 et qui s'appelait « Un joli merdier ». D'ailleurs, un album créé en pleine tourmente, puisque à l'époque, la France s'était confrontée à... de la neige et de la grève en cascade. Voilà, après cette séquence exclusivement français, place à un peu de douceur avec quelques ballades. I'm loving you. Living in the past. Le rock en balade. Hello, can you hear me? Please don't go. Where are you going? Conversations go over my head. Isolation has an ugly face. Surround me with your love. Understand me, I need you now. Surround me with your words. Understand me, I need your love. I need your love. I need your love. So lonely, and it feels like a disease. Come and stay, stay beside me, stay always, forever, don't go. Surround me with your love. Understand me, I need you now. Surround me with your words. Understand me, I need your love, I need your love. Et on poursuit dans la douceur avec un titre phare de Guns N' Roses, November Rain, un titre de circonstance entre cette saison. Thank you. J'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. On me dit qu'il y a quelques soucis pour l'écoute d'RQC sur Internet. Hélas. I know that you can love me when there's no one.

Living in the Past. Le meilleur du classique. Et voici pour suivre notre ami Paul Simon. You can call me all. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly. Mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. When you call me, you call me out, call me Voilà, nous venons d'achever une longue séquence musicale avec trois immenses classiques que sont les Guns N' Roses et November Rain, et ensuite Queen, Bohemian Rhapsody, et pour terminer Paul Simon, You Can't Call Me All. À propos de Queen et de Bohemian Rhapsody, il faut savoir qu'en dépit de la singularité de son format, ce morceau est sorti en 45 tours. Et qui plus est, il est devenu un immense succès commercial qui a d'ailleurs marqué une étape décisive dans la carrière du groupe Queen vers une reconnaissance au panthéon des grands groupes de rock internationaux. Quant à Paul Simon, You Can't Call Me All, il est extrait, c'est un morceau extrait de l'album référence de la carrière solo de l'artiste, à savoir Graceland. Cet album est sorti en 1986, alors que sévissait encore l'apartheid en Afrique du Sud. L'idée folle d'aller jouer là-bas avec des musiciens du CRU lui a valu à l'artiste les foudres des organisations anti-apartheid qui soutenaient le boycott du pays par les Nations Unies. Mais Paul, en fait, n'y était pas allé du tout pour cela. Il n'avait aucune idée politique derrière la tête, derrière ce projet d'album, mais juste une simple cassette d'artistes africains qu'on lui avait passée et une envie folle de se plonger dans cette musique. Graceland est sorti le 12 août 1986 et cet album est considéré comme l'un des disques ayant lancé la world music dans sa version moderne. Pour rappel, si vous ne le saviez pas encore, notre ami Paul, malgré ses 74 ans bien sonnés, nous fait l'honneur de nous rendre visite en Belgique en cette période et il se produira à Forêt Nationale ce 1er novembre. Demain, nous célébrons donc la Toussaint et le lendemain, la fête des morts. Mais le 1er novembre, c'est aussi la fête d'Halloween, la fête qui laisse une large place au macabre, au surnaturel, au maléfique. Pour s'imprégner de cette ambiance, j'ai choisi deux titres de circonstance, Black Sabbath avec Electric Funeral, extrait de l'album Paranoid de 1970, et King Crimson avec Epitaph. Sortez sorcières et citrouilles. We'll be right back. the wall on which the prophet wrote is cracking at the seams. Upon the instruments of death, the sunlight brightly gleams. When every man is torn apart with nightmares and with dreams, well, no one lay the lonely when silence drowns the screams. Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. If we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Cracking at the seams. Voilà, c'était donc une version live d'Épitaphe de King Crimson. Thank you. Thank you. Alors, lors de l'émission précédente, je vous avais déjà fait écouter un premier extrait de ce magnifique album de 1969 qu'est In the Court of the Crimson King. Un album qui allait jeter les bases du rock progressif et influencer de nombreux artistes comme Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer ou encore Van der Graaf, Generator et j'en passe. Voilà, c'est notamment sur ce morceau Epitaphe que nous venons d'entendre qu'on peut, pour l'une des premières fois, je crois, entendre le mélotron. Alors, le mélotron, c'est un clavier qui imite le son des cordes. Mais la force de cette musique, à mon goût, ne réside pas seulement dans l'expérimentation d'instruments nouveaux, mais aussi dans son ambiance psychédélique et aussi à la prestation vocale de Greg Lake avec ses envolées de vocalises très impressionnantes. À propos de King Crimson, je vous l'ai déjà dit également la fois dernière, mais sachez qu'il se produira également en Forêt nationale, mais ce 3 novembre. Et on poursuit dans la veine progressive avec un autre groupe qui a marqué la scène musicale progressive dans les années 70, j'ai cité Styx avec Crystal Palace. I used to like to walk the straight and narrow line. I used to think that everything was fine. Sometimes I'd sit and gaze for days through sleepless dreams, all alone and trapped in time, all alone and trapped in time. I wonder what tomorrow has in mind for me, or am I even in its mind at all? Perhaps I'll get a chance to look ahead and see, soon as I find myself a crystal ball. Soon as I find myself a crystal ball. Well, tell me where I'm going. I don't know where I've been. Tell me, won't you tell me and then tell me again? My heart is breaking, my body's aching, and I don't know where to go. So tell me, won't you tell me? Alors avec les Cure dont nous venons d'écouter Boys Don't Cry et qui se produiront le 12 du 11 au Cirque Royal, nous avons retrouvé le son des années 80. Et j'en profite pour honorer en quelque sorte la mémoire de Peter Burns, le chanteur de Dead or Alive, qui nous a malheureusement quitté la semaine dernière des suites d'un arrêt cardiaque. Alors Peter Burns a marqué les esprits, notamment par sa personnalité androgyne. Il était né dans le Cheshire d'un père militaire originaire de Liverpool et d'une mère juive allemande qui avait échappé à l'Holocauste. Son enfance chaotique l'a fait quitter l'école à l'âge de 14 ans et après avoir travaillé dans un magasin de disques, il a formé plusieurs groupes dont Dead or Alive en 1980. Il était un véritable visionnaire, une belle âme talentueuse et il manquera à tous ceux qui ont aimé et apprécié tout ce qu'il était et les merveilleux souvenirs qu'il nous a laissés, ont écrit sa famille et son agent dans un communiqué. Il laisse dans le deuil son partenaire Michael Simpson et son ex-épouse Lynn Corlett. Dead or Alive a connu son heure de gloire dans les années 80 avec des titres comme You Spin Me Round ou encore Lover Come Back to Me. Ça doit vous dire quelque chose, non? Qui n'a pas dansé sur ce titre? been lying here so lonely. I've been wishing you would telephone me. Oh, I just can't lose this desperation. Won't you bring around a new sensation? Baby, you got lots of energy, yeah. Come and give that energy to me, yeah. Say we could have a real good time, yeah. Baby, I could make you mine, oh mine, yeah. Oh yeah, oh yeah. Lover, come back to me. You don't have to knock on my door, no. Lover, come back to me. Kick it right down, kick it right down, kick it right down, right down. Baby, all I feel is desperation. I've been wishing you would telephone me. I've been lying here, oh so lonely. Et on reste dans les années 80, mais dans un tout autre registre, Sting et Fragile. C'était donc Stink avec un extrait de l'album Nothing Like the Sun, sorti en 1987. Alors le morceau Fragile combine les deux dimensions qui se côtoient en permanence tout au long de l'album Nothing Like the Sun. Là à la fois la dimension humaine et le message politique. Sting nous rappelle très subtilement notre fragilité à tous. Il nous rappelle aussi que la violence ne mène jamais à rien. L'inspiration pour cette chanson est venue d'un certain Ben Linder, un ingénieur américain qui travaillait bénévolement en Nicaragua pour le gouvernement sandiniste et qui fut assassiné par les opposants au régime, les Contras. Voilà, passons maintenant à l'actualité discographique du moment, en commençant par un nouvel extrait du tout nouvel album de Leonard Cohen, You Want It Darker. Voici, avec sa voix de papier de verre, reconnaissable entre toutes, Leaving the Table. I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame. If I ever loved you, if I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover. No, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. So blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no, that love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored. Became I've got these excuses. They're tired and lame. I don't need a pardon. No, no, no, no, no. There's no one left to blame. I'm leaving the table. I'm out of the game. I'm leaving the table. I'm out of the game. Superbe, non? Si vous voulez en savoir plus sur l'artiste et sur ce nouvel opus, sachez qu'une excellente interview de Leonard Cohen est parue cette semaine dans le Moustique. Au rayon des nouveautés toujours, j'ai repéré le nouvel album des Pretenders Alone, celui de Bon Jovi intitulé The House Is Not For Sale, ainsi qu'une version live du dernier album d'Iggy Pop, Post Past Depression. Voici pour débuter Iggy Pop avec Gardenia. In a shabby raincoat, where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream. Jake. mistakes, mistakes. Et pour suivre, voici les Pretenders avec Holy Commotion et Bon Jovi avec la plage titulaire de l'album The House Is Not For Sale, deux titres qui devraient en principe cartonner. À l'écoute d'RQC. In rap. for sale. I said each stone and I hammered each nail. These eyes is not for sale. When memories live and the dream don't fail. These eyes is not for sale. Coming home, I'm coming home. Swung a spike into the ground and I stake my claim. They'll dig my grave. Now what built these walls is in my veins. No time for looking back. The wolf is out the door. This heart, this soul, this house is not for sale. I said each stone. Alors au rayon des bonnes surprises du moment, j'ai aussi pointé la formation irlandaise de Art Rock, The Answer. Même si cette formation nous avait fait partager jusqu'ici son goût pour le Art Rock à l'ancienne avec un parfum entêtant de 70s, dans ce nouvel opus qu'il nous propose qui s'intitule This Is Not For Sale, le groupe nous offre pas mal de bonnes surprises comme ce Beautiful World qui nous confirme les nouvelles orientations du groupe. En effet, le son a changé, j'en veux pour preuve son intro mélancolique, la présence de cordes, de claviers, des harmonies originales et une progression avec une belle montée en puissance. On pense à une sorte de mélange entre le rock de Led Zeppelin et l'ambiance torturée de certaines chansons de David Bowie. C'est avec ce titre que l'émission touche à sa fin et il est bientôt temps de nous quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute d'RQC. J'ai été ravi de passer ces 3 heures en votre compagnie et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le lundi 13 novembre à 9h pour un 10e numéro de Living in the Past. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye. Did I always feel like this? Like I've been left behind? be. Suivre quelqu'un de trop près.